Sabotage temporaire prend l'antenne, cette fois en direct. C'est pas tous les jours, c'est même la dernière de l'année. Avec Aloïs et Mathilde, bonsoir. Bonsoir Quentin, bonsoir Aloïs. Retour de Mathilde d'ailleurs. Yes, bien contente. Re-bienvenue. T'as vu, c'est énorme ce soir. Feu d'artifice. Ah, feu d'artifice. Direct, dernier retour de Mathilde. Voilà. Et en plus, on a une invitée. Et en plus, on a une invitée. Une invitée qui s'appelle Astral Combat. Bonjour à tous. Voilà, bonjour Astral Combat. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Et donc voilà, pour la dernière émission, ça va être une carte blanche à Astral Combat. Donc c'est elle qui fait la prog et on va écouter quelques sons aussi que tu as pu faire. Et voilà, qu'est-ce que j'oubliais ? Rien, peut-être pour recontextualiser le pourquoi du comment, histoire assez drôle parfois, en soirée on fait des belles rencontres et ça a été le cas pas plus tard que samedi dernier où on t'a rencontré vraiment, Astral Combat, puisque tu travailles dans un de nos bars de quartier favori. On va peut-être pas dire lequel. Je ne le cite pas. Et il aura fallu finalement qu'on passe le reste de la soirée ensemble pour découvrir, pour te découvrir en fait. On savait pas déjà que tu faisais de la musique. Et en plus, un super projet qu'on a bien aimé. Merci Mathilde. Très belle rencontre. Et donc, avant de parler de ce projet, on va quand même écouter ce que tu fais. Comme ça, tout le monde saura de quoi on parle. Voilà. Et on pourra aller de l'avant gentiment. Tes cheveux. Hop. c'était Astral Combat avec Alien, le premier morceau qu'on vous a passé ce soir. Astral Combat qui est notre invité du coup. Rebonjour. Rebonjour. Tu peux peut-être rapprocher un peu le micro d'accord. de toi, comme ça on t'entendra un petit peu mieux. C'est mieux ? Oui. Alors, Astral Combat, on t'a rencontré il n'y a pas longtemps, on a dit. Et comment t'as débuté ce projet, en fait ? Qu'est-ce qui... Déjà, tu fais ça toute seule, je ouais. crois. Alors, je précise quand même que sur ce morceau, j'ai un ami qui a apporté sa petite touche sur la fin du morceau. Et voilà, sinon, oui, mon projet, il est solo. Et j'ai commencé en 2015, je pense. À faire vraiment de la musique. Enfin, j'ai fait une formation au conservatoire de piano avant. D'accord. Mais j'ai arrêté la musique pendant assez longtemps. J'ai repris en 2015. Et j'ai monté un studio avec un pote. Et puis ensuite, on a monté un label qui s'appelle San Luis Records. C'était rue Saint-Louis à Rennes. Et voilà, et puis de là, y avait beaucoup de copains qui voulaient faire de la musique, donc qui sont ajoutés au projet. Et voilà. Et vous avez comment continué de faire de la musique depuis 2015 en fait ? Vous sortez des trucs sur. Ouais. Sur le net ou sur... Mes potes sont hyper productifs, donc y a un SoundCloud, San Luis Records, où on peut trouver un peu tout ce qu'ils font. Moi, mon projet, pour le moment, je ne l'ai pas encore partagé sur Internet. Exclu sabotage temporaire, quel luxe. C'est la première fois qu'il est public. Voilà. Et ça va. Ça va. Ça a été. Et du coup, sur San Luis Records, pas mal d'artistes. Du coup, tu nous as dit des collabs, des beaucoup projets de collabs. Ouais, ok. Et puis voilà. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir faire aussi la musique d'un film l'année dernière, qui s'appelle Imagine demain on gagne, réalisé par Arthur Touvenin et François Langlais. Et ils m'ont fait confiance pour la musique et c'était super. Comme et c'est venu comment ça en fait ? Tu les connaissais ? Ouais, je connaissais bien Arthur. Et puis il savait que je faisais de la musique, donc ça m'est un peu tombé tout cuit dans le bec, quoi. Et ouais. Ça, c'était avant ton projet là qu'on vient d'entendre ou c'est... Non, c'était en pendant. Même temps, quoi. Okay. En même temps, ouais. Et donc c'est différent, j'imagine, d'accompagner un film. Ouais, bah voilà. Déjà, il n'y a pas de voix. C'est que de l'instrumental. Et c'était chouette parce que c'est sympa d'ajouter de la musique à des images, quoi. Bah ouais, carrément. Ouais. Tu avais les images déjà ou alors comment ça se passait ? Il était pas encore une intention, un truc. Ouais, il était pas encore monté le film, mais ils m'ont donné quelques images, ouais. Et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Et en fait, au début, ils voulaient un morceau, et puis finalement, ils m'ont dit fais toute la BO, donc. Cool. Trop bien. C'était très cool de faire ça. Et c'est un film qu'on peut retrouver sur Internet ou... C'est un film qu'on peut trouver sur Mediapart, je pense, qui est encore disponible. Et voilà. Ça parle de quoi ? Et en fait, ça parle des gilets jaunes de Saint-Nazaire. Le problème, c'est qu'en fait, le film est sorti juste avant le premier confinement. Ah, oups. Donc il n'a pas tourné comme on aurait voulu, quoi. Mmh. Il va pas trop ressortir, là, c'est VOD, du coup. Ouais, je sais pas trop comment ça va se faire. Mais voilà, ouais, c'est un film qui parle de la lutte des gilets jaunes à Saint-Nazaire. Ça suit un garçon qui s'appelle Kylian, qui se lance un peu à corps perdu dans la lutte, quoi. Et puis aussi, ça parle de la maison, de leur maison du peuple qu'ils ont habité pendant longtemps et où ils ont fait la grande réunion des gilets jaunes de toute la France. Et voilà. Un peu le QG, quoi. C'était le QG, voilà. Et Kylian, tu nous as dit, hors antenne, en fait, on dit un garçon comme ça, mais en fait, il a 13 ans. Il a 13 ans. Ouais. Il a 13 ans. Je savais pas comment le dire. Et ben voilà. Donc un jeune comme maintenant, ça. Maintenant, il est un peu plus vieux depuis, mais... Je crois qu'il avait 13-14 ans. Mais c'est vrai que, comme disait Quentin aussi hors antenne, c'est étonnant d'imaginer un garçon de 13 ans qui se jette, comme tu dis, à corps perdu dans la lutte, d'être conscientisé à cet âge-là. C'est vrai que ça interpelle, quoi. Chouette film. Et c'est un sujet, du coup. Enfin, ça. Comment ça s'est passé pour toi, composer, en fait, par-dessus Ça t'a vachement inspiré, c'était des... Ben ouais, je trouve que c'est fort quand même, les images, elles m'ont tout de suite évoqué quelque chose, quoi, musicalement, quoi. Et t'es parti, tu peux préciser un petit peu, enfin genre t'es parti sur quel style de musique, qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Ben c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, c'est un peu plus rock, un peu plus instrumental avec des batteries, des guitares, des choses comme ça. Sinon je pars plutôt, moi, dans mes projets solo sur des sons un peu plus mat. Et voilà. Ok. Vas-y. Ouais, et bah du coup, pour revenir à San Luis Records, tu vas nous proposer le premier morceau de ta sélection. Oui. Du coup, si tu peux peut-être le présenter en deux mots. Et ben c'est un morceau j'ai un très bon pote qui chante dessus, qui s'appelle Tony. Voilà, et c'est le Tony. Donc voilà, et j'aime beaucoup ce morceau, donc j'ai choisi celui-ci. Eh bien, il est parti. Il doit y avoir un petit blanc au début, peut-être. Ah. Ah non, c'est bon. Sois béni toute la vie. Prends donc 6 canettes, passe une cigarette. Mec, il faut que j'arrête, j'ai fumé l'Amazonie. Prends donc 6 canettes, passe une cigarette. Mec, il faut que j'arrête, j'ai fumé l'Amazonie. On a raidé toute la nuit. Ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. Tous les soirs c'est reparti. La tête qui traîne de droite à gauche. On kiffe le vent qu'on puisse des jupes. Rien que léger dans le choix des jours. Demoiselle dans sa belle cour. J'ai pas l'argent pour un clim, mais pas Satan pour l'amour. J'ai pas non plus de clim, mais le canapé vaut le détour. Troupe à tour moderne, passé à la Gomina. 1000 pertuis dans la main droite. On veut le sensuel vers la nota. Ride en punk demi-canette. Ride en feu quasi galette. Pour le parvis de Notre-Dame. L'histoire ce soir nous dit oui. Tous nos corps on sent les flammes. On reste pas calme ainsi la vie. Toute la nuit, ça fait Et voilà. C'était à suivre donc la chanson « Mille peurs de nuit » de Strauss, Eltony et Luce du collectif de rappeurs dont tu fais partie, Astral Combat. San Luis Record, pardon. Et à la suite, c'était un titre à toi qui s'appelle « Séléné ». Et alors du coup sur San Luis Records, c'est plutôt ambiance rap, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de passer en plus dans l'émission. Ah non, on s'est bien fait saboter, fait, hein. Mais c'est le nom de l'émission. Saboter la tronche, ça fait bien plaisir. C'est cool et du coup c'est plus accès rap. C'est plutôt rap, ouais. Et toi tu viens de là au départ, c'est ce que tu nous expliquais aussi, enfin en tout cas tu rappes. Je rappe un peu, ouais, c'est un autre projet, mais je fais ça à mes heures perdues. Et du coup, donc t'as commencé avec plutôt ce registre-là, rap ou... Non, j'ai plutôt commencé avec ce projet-là, mais qui est long, quoi. Ça fait quand même quelques années que je suis dessus. Ouais, mais tu nous disais samedi dernier 10 morceaux quand même, c'est pas rien. Ouais. Et du coup, là, on est sur un truc plutôt mélodique avec ton projet solo, Astral Combat, du coup. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la démarche dans laquelle t'es ? Comment est-ce que t'écris ? D'où vient l'inspiration là-dessus ? En fait, j'écris un peu partout. Quand j'ai des idées, mon smartphone il a des brouillons et des brouillons de textes. Puis j'accumule les cahiers avec plein de textes. Et souvent, je commence quand même par la mélodie avant d'écrire le texte. Je fais comme ça. Il y a pas mal de références, j'ai l'impression, aux étoiles, tout ça, mais ça s'appelle Astral Combat. Mais du coup, il y a une idée voulue là-dessus sur de cohérence et de. Est-ce qu'il y a un sens derrière Astral Combat d'ailleurs, derrière ce blaze? C'est peut-être parce que j'ai un peu la tête dans les étoiles. c'est vrai que moi, après l'espace, ça m'intrigue et ça me passionne, mais je pense comme beaucoup de gens. Et puis c'est ça, quoi. Je suis un peu rêveuse dans la vie. Et du coup, ouais, tu puises dans ce champ lexical-là, dans ces univers-là, pour un petit peu écrire. Ce qui est marrant, c'est que je m'en suis rendu compte à la fin. Voilà. Ok. Et sur tes l'instrumental du coup de tes morceaux, donc tu commences par la mélodie et ensuite tu transposes ça, tu composes à côté pour traduire ça. Voilà, ouais. Ok. J'utilise des synthés et puis en fait je bosse sur Ableton essentiellement, quoi. Avant je bossais sur Ardour, c'est un logiciel libre sous Linux. C'est un très bon logiciel, mais le problème, c'est que c'est difficile de travailler avec d'autres gens, quoi. Donc, je suis passée à Ableton. Ok. Et t'es payée pour dire ça à la radio? J'avoue, il faut pas le dire. Non, je rigolais. Du coup, on va passer à un autre morceau que tu nous proposes ce soir. Donc là, c'est une artiste rennaise, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? En fait, je l'ai rencontrée il y a peu de temps. Elle venait jouer dans une soirée, mais moi, comme je travaillais, j'ai même pas pu voir son concert. Mais on a sympathisé et elle m'a envoyé le lien de ce qu'elle faisait et je trouve ça super. Elle s'appelle Gladys et son projet s'appelle Carigos. Et elle vient de sortir un EP qui s'appelle Touch. We'll be right back. c'était Kerry Goss et je sais pas si on faut prendre un accent anglais. Kerry Goss. Goss. C'est ça. En tout cas, c'est Kerry Goss, Kerry Goss avec le morceau Typical. Voilà quelqu'un que tu as rencontré et tu aimes beaucoup ce qu'il ouais, fait. Ouais, je trouve ça super. Et puis en plus, elle est toute seule, elle fait tout. C'est comme chou. Toi. Bah oui, heureux hasard. Et à puis quand en... le duo. Bah ouais. Puis ah en plus, bah... ça fait un peu penser à certains égards à ce que tu veux faire aussi. Donc c'est marrant comme coïncidence de se rencontrer comme ça. Et oui, c'est vrai que moi, ça me faisait aussi penser pas mal à ce que fait Maud Jeffrey à fond, que je t'invite à écouter aussi. Tu... Ok. Et c'est très très bien. Alors que tu me fasses une petite playlist. Une petite hein. playlist. Ça pourrait se. Ça peut se faire. Alors là, c'est quoi le prochain. La prochaine étape pour toi ? Ça fait assez longtemps que tu fais tes compos. La prochaine étape, ça va être de sortir enfin cet album, je pense. J'espère pouvoir le faire en septembre. Sur San Luis. Ouais. Et puis aussi, j'ai un projet avec. Une de mes amies qui s'appelle Rosa, que j'embrasse. et elle chante, donc je compose et puis elle chante et je l'accompagne à la chanson. Et voilà. Et en fait, bon, c'est une sorte d'élaboration infinie parce qu'on fait des morceaux qui durent 15 minutes et il est toujours pas fini. Il y a combien de morceaux ? Un seul. Non, il y en a deux. Il y en a deux, mais c'est vrai qu'on fait des longs morceaux qu'on travaille pendant longtemps, quoi. Et c'est très chouette de travailler avec elle, donc voilà. Et elle, du coup, elle chante. Toi, elle tu chante. Fais les instrus. Oui. Et vous partez sur quoi comme esthétique, un peu ? Bah là, c'est un peu, c'est vraiment étrange. J'ai du mal à définir ce qu'on fait. Mais je te ferai écouter. Ouais, je veux bien aussi. Et si c'est bien, on passera dans l'émission, parce que sinon les auditeurs et auditrices, on parle de trucs, mais... Ouais, et puis on aime bien les trucs de 15 minutes. Ouais. C'est clair. Mais du coup, tu t'inspires, elle arrive avec les textes, tu fais un truc, ou elle te dit, tiens, je voudrais, ce serait bien que ça parte comme ça, à ce moment-là. Ben, là, je lui ai envoyé des prods que j'avais fait, et puis elle en a choisi une. Et en fait, donc elle vient au studio et puis avec ses textes et elle a commencé à enregistrer voilà comme ça et puis moi je l'accompagne un peu à la voix et voilà ça se fait comme ça. Et est-ce que sur ce projet-là ou sur ton projet solo, il y a à un moment donné des, comment on pourrait dire, des velléités ou des envies de partager ça sur scène? Ah oui, là il va falloir que je passe à la scène, ouais. Et puis c'est bien aussi, je me dis que de bosser avec Rosa c'est pas mal parce que si on passe sur scène on sera deux. Ouais. Voilà. Bah ouais. Ok. Alors Mathilde, ça te faisait penser à... Bah oui et non. À quelque chose. Ouais, ouais, ça me faisait un peu en penser tout cas, dans à... l'idée où, voilà. Je sais pas. C'est ça, dans l'idée d'une femme donc qui est québécoise du coup qui s'appelle Marie Davidson. Qui est une ponte un peu du milieu techno plutôt, mais c'est assez cold quand même comme esthétique aussi, c'est pour ça que ça me faisait un peu penser à toi avec des textes en français, et je me suis dit que ça pouvait être cool de te faire découvrir ça si tu connais super. Pas, et d'en causer qui est une des membres du duo et c'est pas aussi. Tout à fait, okay. Qui officie dans c'est vrai. Pas. Ouais, carrément. On avait entendu beaucoup parler d'eux... En 2019 peut-être. Non, même plutôt. Moi, plutôt. Je me souviens, ouais, ils avaient sorti partout, un truc mais... en 2017-2018. Mais après, avec tous les trucs de confinement, j'ai tout oublié. Ouais. Ouais, ils avaient dû jouer à Rennes en 2016, un truc comme ça. Ouais. Ah ouais, pas plus tôt, plus Rennes et Brest. Récent, d'accord. Non. Bon, en tout cas, Marie Davidson. Voilà, et son petit tube qui date un petit peu maintenant, mais qui est toujours aussi bien. Excès de vitesse. Un très bon album qui s'appelle Perte d'identité, qui est très chouette. Eh ben on écoute ça tout de suite. We'll be right back. miroir de ta vie. Excès de vitesse. C'est d'une main tremblante que tu ouvres la portière. Excès de vitesse. Comme un reflet sur le miroir de ta vie. Tu penses, puis tu oublies. Excès de vitesse. Tu avais vu sa photo dans un magazine. Sans y penser, tu reproduis ses gestes. Cette chaleur torride sur ta nuque, tes larmes de transpiration et dans ta bouche. Certaines histoires ne peuvent que finir mal. Pourtant, les yeux mi-clos, tu souris. Excès de vitesse. Excès de vitesse. Excès de vitesse. Et c'était Marie Davidson et le morceau Excès de vitesse. Voilà, tout à fait. Vous êtes toujours à l'écoute de Sabotage Temporaire. Et ce soir, pour la dernière de la saison, nous avons une invitée qui s'appelle Astral Combat. Voilà, donc j'avais passé ce morceau parce que ça me faisait de près, mais surtout de loin, penser à ce que tu proposes dans ta musique. Mais disons que voilà, c'est une artiste québécoise solo, du coup, qui fait des musiques plutôt synthétiques. Voilà, tout simplement pourquoi ça m'a fait penser à toi, et j'espère que ça t'a plu. Ça m'a beaucoup plu. Bon. Et bien maintenant, on va passer à un autre morceau de ta sélection. Parce que tu as carte blanche ce soir. Tout à fait. Alors ce morceau, c'est le projet d'un mec qui était dans mon lycée, on se voit plus, hein, mais là je suis quand même ce qu'il fait parce que c'est du sérieux. Il a eu un premier projet qui s'appelait Lake. Mmh. Oh là, tu connais Alice ? Voilà. Ouais. Et là, c'est son second, il me semble. Ça s'appelle Corps, et le morceau que j'ai choisi s'appelle Carnivore. C'est du sérieux, c'est du lourd. Et puis le nom et c'est bien, hyper bien. Enfin voilà, donc je tenais à faire passer ce morceau ici parce que. Bah, très bien. Bah, quoi. Allez. Écoutons. J'ai rien à perdre à part ton cul, ta bouche, tes ongles, méthylène, ta voix qui court comme une hélice, ton grain plus tendre que mon haleine. faire. Je veux sentir mon corps dans les airs, comme un prisonnier qu'on libère. Je veux plus bosser, je veux qu'on enterre. Au plus profond, profond caché, caché comme un fusil de guerre. Une bombe dans un supermarché, plus rien à perdre, rien à foutre. Comme si j'avais plus de 100 ans, je vais me foutre en l'air si tu m'entends. N'appelle personne et reste dedans. Je veux ton sexe entre mes doigts, avale, avale, avale-moi. Je veux mettre un terme à toutes les lois. Cela fait des mois que j'en rêve. Je veux qu'on s'entraîne dans les bois, avale, avale, avale-moi. Mon esprit tremble entre tes lèvres quand ton corps flanche entre mes doigts. Je n'ai plus faim que de ton cul. Je n'ai plus foi quand nos ébats. Et même si on se perd de vue, promis, je ne verrai plus que toi. Je ne fais plus rien. c'était Astral Combat, notre invité, avec Minotaur. Vous êtes toujours dans Sabotage Temporaire. Et du coup, nous sommes toujours avec Astral Combat, notre invité. Rebonsoir. Rebonsoir. Et alors, tu avais encore un autre morceau à nous proposer. Assez étonnant. Alors, c'est Anne Sylvestre, oui. Du coup. Pourquoi ? D'où ? Ben, je trouve que ce texte, il est parfait. Et bon, elle est morte l'année dernière. Et je le trouve magnifique, quoi. C'est très bien écrit et il me touche beaucoup. Donc voilà, je tenais à le partager ce soir. À le partager, ouais. Et c'est quel morceau, du coup ? Les gens qui doutent. Les gens qui doutent. De quoi ça parle pour toi ? Enfin, qu'est-ce que ça te... Ben, ou par rapport au monde dans lequel on vit ou... C'est une chanson parfaite sur les imperfections, quoi. À l'artiste. Tu vas noter ça dans tes petites notes. C'est pas mal comme punchline quand même. Eh ben on écoute. Bah ouais. Et puis après ça sera bientôt la fin. On y va. J'aime les gens. Les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Anne Sylvestre, Les gens qui doutent, un choix d'Astral Combat. Un petit retour aux sources peut-être, oui. Si on reprend ton... Enfin, je sais pas, forme, t'as fait le conservatoire au final, piano, après oui. Rap, après maintenant chanson, électro-pop, expérimentale des fois. Oui. Et puis là, des fois, on revient aux sources. Au texte, ouais. Carrément. Et donc du coup, on espère pour toi et pour nous une sortie. Du coup, en septembre, d'un EP. Oui. Ouais, un EP, un album. Allez, un petit album. Et il te reste quoi à faire, du coup, sur toutes ces compos ? T'en es où ? Il me faut quelqu'un pour masteriser mes sons. Voilà, appel voilà. aux auditeurs, auditrices. C'est ça. S'il y a quelqu'un qui est chaud. Parce que là, on te prend vraiment. T'es encore dans la compo, le truc, ouais. le mixage et tout. Mm. Et mais bon, si jamais, si quelqu'un nous écoute, qu'il a pour masteriser, bah vous pouvez nous envoyer des trucs sur la page Facebook Sabotage Temporaire. Hein. On fera suivre. Tout à fait. Et bah c'était la dernière émission. Il est 20h54. Enfin, ça dépend du fuseau horaire parce qu'on passe sur Canal B à cette heure-là, mais sur Plume FM un peu plus tôt, je crois. Oui. Mais bon, bref, vous y retrouverez dans votre tête ceux qui nous écoutent ou celles. Et c'était la dernière de la saison. On se retrouve en septembre, du coup. Mais tout à fait, mon cher Quentin. Oui, on se retrouve en septembre avec la même fine équipe et puis on l'espère d'autres invités comme toi. Astral Combat. Astral Combat. Franchement, ça, c'est du blaze. Et, bien martial. Pour bien terminer, on va finir avec un de tes sons qui s'appelle Confinement Day. On se demande de quoi ça parle. Ouais, j'ai du mal à trouver des titres. Et c'était le 12e jour du premier confinement, je crois. Et après, je voudrais juste faire une petite dédicace. Et fais-la avant. Ouais, on va se quitter avec ton son. Bon, alors, je fais une dédicace déjà à Yvan et Elsa et au quartier du Sacré-Cœur. Je fais une dédicace à Pou, à tout le SLR, au Saint-Tridagang et à Rosa. Voilà. Voilà, bah s'ils nous écoutent, big up. Et on se quitte avec ta chanson du coup et on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. À la rentrée prochaine. Rentrée prochaine, oui. Merci beaucoup. Allez, merci ciao. À toi. Ciao. Allez, bonus de fin de saison, roulez jeunesse! sens ta bière chaude dans ma seringue. Je préfère qu'on fasse qu'un à deux en débitant de la merde, c'est mieux. L'occasion de fumer des clopes, niquer notre RSA comme des myopes. Critiquer des cons à la télévision, des cons qui sont malheureux parce qu'ils trouvent pas l'amour ou parce qu'ils sont trop lourds. La vie c'est dur, putain. Regardera les gens qui bossent, ceux qui paient notre menace. Toute la belle bande d'autocars qui sortent de l'hôtel Balthazar. Costard, cravate, écoute, savate, c'est la mafia. Aristocrate, nourris au foie gras et au miel. Par la tribune présidentielle, on leur jettera nos mégots. On les traitant de collabos, puis on crachera salement des trucs affreux. Gluons parce qu'on aime bien les voir tirer la gueule le soir. C'est la vie, c'est dur, putain. La vie, c'est dur, putain. C'est dur, putain. Putain, c'est dur, putain, c'est dur, putain, c'est dur.